Les armées africaines, quand je parle des armées africaines, des armées qu'on dit être dans les précarés de la France, comme la France aime se taper la poitrine. Parce que n'oubliez pas, au niveau de leur ONU, à ce niveau, nos pays ne sont pas des pays souverains en tant que tels. Là-bas, nos pays sont enregistrés au nom de la France, au nom peut-être d'autres puissances. C'est actuellement que l'Afrique est en train d'arracher sa souveraineté. Les indépendances qu'on avait données en Afrique, ce sont des indépendances formelles. Donc maintenant, pour revenir encore à votre question, donc ceci étant des pays qui détiennent des armées, des pays qui ont des indépendances formelles, c'est-à-dire quoi? Vous disposez du nom de votre pays, probablement, pas dans tous les cas. Vous avez un drapeau, vous pouvez chanter l'hymne national de votre pays, mais dites-vous que la monnaie de votre pays doit appartenir à la France, que vos militaires doivent être formés par la France. Afrique Média, le monde, c'est nous.